terminons notre révision de « ser » et « estar » en voyant des exemples où l'on peut utiliser les deux verbes, mais en exprimant alors un sens différent. Par exemple, si vous voulez dire « il est malade », vous emploierez « está malo » ou « está enfermo ». Mais si vous dites « es malo », vous direz « il est méchant ».« Es enfermo » veut dire que cette personne est toujours malade, hein, qu'elle a un handicap ou une maladie chronique. C'est incroyable, n'est-ce pas, comme un seul mot peut tout changer. Donc, si « beau » se dit « guapo », G-U-A-P-O, comment direz-vous « Roberto est beau » ?« Roberto es guapo ».« Roberto es guapo ». Et comme être beau est une caractéristique propre à Roberto et qu'il ne va pas devenir laid dans les prochains jours, on emploie « ser ». D'ailleurs, « laid » se dit « feo », F-E-O. Comment diriez-vous maintenant « Roberto est beau aujourd'hui » dans le sens qu'il s'est bien habillé et que son apparence est différente des autres jours. Hoy Roberto está guapo. Hoy Roberto está guapo. Il a peut-être fait quelque chose de spécial. Il s'est coupé les cheveux ou s'est bien habillé. Mais ce n'est pas son apparence permanente. Donc, está. Et d'après vous, est-il plus flatteur que l'on vous dise « eres guapo » ou « estás guapo » ou si vous êtes une femme, « eres guapa » ou « estás guapa » Je vous laisse réfléchir un instant. Si l'on vous dit « eres guapo » ou « eres guapa », cela signifie que vous êtes toujours beau ou belle. C'est un caractère déterminant de votre être. Tandis que « estás guapo » ou « estás guapa » indique que vous êtes beau ou belle aujourd'hui, mais peut-être pas tellement les autres jours.